Vas-y, voyage de ma, fais-moi des tours, la marijuana et le pack de bière, je pollue l'air, que je me de la BR. Et ouais mon frère, comme toi je suis vénère, c'est la galère avec ce système judiciaire. Au Poucave, genre baise leur mère, c'est clair, je vais t'envoyer direction cimetière. Tu vas vivre la misère, parce que bonjour de ma part au Gétane qui crèche en enfer. Mon groupe, le S1DIK des rimes et j'en suis fier. Dans le RAP j'ai le charisme, il est aussi puissant qu'un séisme. Quand je suis au MIC, je dégage à l'oral toutes mes pensées, je vais jamais. Si t'as mal compris, t'as qu'à te leur passer. Tu paieras avec sincérité, mes lyriques de qualité, y'a pas de compétition. Je fais ça avec le cœur et sans complication. Ainsi paraît, l'argent n'a pas d'odeur, mais moi je peux dire que dès que t'en as pas, ça sent. Je suis un adolescent qui vient et qui représente mon 8-900. Je comprends pas les racistes, pour moi noirtisme ou blanc, c'est pareil, on fait partie de la même race et c'est la race humaine. Alors j'ai la haine envers Sarko et Le Pen. 2-0-0-7, c'est pas tous les jours la jet set. Je suis pas un écrivain, tout ce que j'ai à dire, je le sors à l'oral avec mes rimes fatales, aussi puissantes qu'une rafale de balles. Je veux pas qu'on mette sur un piédestal, rien à foutre d'être supérieur aux autres. Moi dans le RAP, VYDO, toujours au P. Allez, fais-moi néné le tarpé. Montre le son, ta chaîne, et écoute ces lyrics qui s'enchaînent. Tu paieras comme un tremblement de terre. Vous les sistras, faites attention à vos arrières. Si vous voulez pas finir, amoché dans le caniveau, c'est un conseil de VYDO.